Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin, nous souhaitons une bonne fête au Élisée, ça vient de l'hébreu signifiant Dieu a aidé. Élisée est une personne ouverte, sociale, communicative, extravertie, exprimant la joie de vivre et appréciant les échanges avec les autres. C'est une individualiste qui est prête à fournir beaucoup d'efforts pour accomplir ses projets, sa volonté et son ambition étant à toute épreuve. Dotée d'une grande sensibilité, elle peut parfois apparaître réservée, discrète, timide. Il est vrai que le 11 qui la caractérise, surtout adulte, peut se vivre dans un premier temps en deux, un 10 de vulnérabilité, de passivité et de fragilité. C'est à la maturité qu'apparaîtront sa force, son sens des responsabilités, sa détermination et sa capacité à prendre en charge les autres et à les guider. Perspicace, intuitive, elle possède une excellente écoute et sait être tant une amie attentive qu'une conseillère avisée. Attention toutefois qu'elle n'abuse pas trop de l'ascendant qu'elle peut avoir sur les autres pour imposer ses conceptions avec autorité. Indépendante, originale, honnête, volontaire, Élisée est sans aucun doute une personnalité à part entière. Et nous fêtons également les Ruffins. Ruffin est un grand émotif, colérique, nerveux, toujours en ébullition. Il réagit parfois de façon impulsive et même de temps à autre avec violence. Indépendant et combatif, il n'est pas facile à manier et possède une grande obstination. Ruffin possède une multitude de facettes qui troublent et déconcertent, d'autant qu'au premier abord, on croit saisir la complexité de son caractère. Or, il n'en est rien. Sa grande confiance en lui, son aplomb ne sont bien souvent que des façades qui lui permettent de passer pour un dur, entre guillemets, tout ne lui laissant le temps de réfléchir. Elle est bonne, même si elle est assez changeante en fonction des événements. Sa fidélité, ses engagements ne sont pas toujours à la hauteur de ses intentions premières. Très intuitif et possédant une psychologie spontanée très étonnante, Ruffin sait s'en servir avec efficacité. Il est bon de l'écouter sans pour autant se laisser prendre à son jus. Dicton du jour, à Saint-Ruffin, cerise à plein jardin, ou encore à Saint-Ruffin, cerise à pleine main. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui journée mondiale du donneur de sang organisée par l'OMS, commémorant la naissance de Landsteiner, biologiste à qui on doit le premier système de classement des groupes sanguins. Aux États-Unis, c'est le jour du drapeau qui commémore l'adoption du drapeau des États-Unis lors du second congrès continental en 1777. En France, c'est la journée nationale contre les maladies orphelines. Aux îles Malouines, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, c'est la fête de la libération. Et à Malawi, c'est la fête de la liberté. Et dans les célébrations, n'oubliez pas, ce dimanche, c'est la fête des pères. Et dans les événements qui se sont déroulés un 14 juin 1985, signature de la convention de Schengen. Alors à quelques jours du bac et du brevet, petit point, c'est l'espace Schengen qui organise l'ouverture des frontières entre les pays européens signataires. Allez, tout de suite, on va donc marquer notre première pause musicale avec le groupe Yes et leur titre Owner of a Lonely Heart. Move yourself. le groupe Yes sur RGM. Allez, tout de suite, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 14 juin 1946, naissance de Donald Trump, homme d'affaires, animateur télé et président de la République américaine depuis le 20 janvier 2017. 1949, naissance d'Alan White, musicien britannique du groupe Yes. 1954, naissance de Will Patton, acteur américain, vu dans Armageddon dans le rôle de Charles Chappell. 60 secondes chrono. La série télé 24 heures chrono durant la saison 7 dans le rôle d'Alan Wilson, ou encore la série Falling Skies dans le rôle du capitaine Weaver. 1961, naissance de Laurent Boutin, musicien réalisateur français qui travaille aux côtés de Mylène Farmer depuis de nombreuses années maintenant. C'est également l'année de naissance de Boy George, chanteur britannique qui fut membre du groupe Culture Club. 1964, naissance de Vincent Dubois, humoriste français du duo comique Les Baudins. Et en 1965, c'était la naissance de Jean-Christian Fraissinet, humoriste français du duo comique Les Baudins. 1966, naissance de Traylor Howard, actrice américaine vue au cinéma dans Le Fils du Masque, à la télévision dans Boston Common, Un Toit pour Trois ou encore Monk dans le rôle de Nathalie Tiger. 1968, naissance de Yasmine Bliss, actrice américaine connue pour son rôle de Caroline Holden dans la série télé Alerte à Malibu, son rôle de Caitlin Cross dans Nash Bridges et son rôle d'Heather Lane Williams dans la série Titan. 1969, naissance de Steffi Graf, ancienne joueuse de tennis allemande ayant fait carrière de 1980 à 1999, qui en simple a été numéro 1 mondial pour la première fois en 87, qui a gagné 7 fois Wimbledon, 6 fois Roland-Garros, 5 fois l'US Open et 4 fois l'Open d'Australie. En double, elle a été numéro 3 mondial en 1987 également. Elle a gagné une fois Wimbledon, 3 fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. Aux Jeux Olympiques, elle a remporté 2 médailles d'or en simple, c'était en 1984 et 1988. Ainsi qu'une médaille d'argent. En double, elle a remporté une médaille de bronze. Elle a remporté également avec l'Allemagne deux Fed Cup en 87 et 92 et une Hopman Cup en 93. 1969, c'est également l'année de naissance de Jackson Richardson, ancien handballeur français, ayant fait carrière de 1989 à 2009 en jouant à Paris-Anières, à OM Vitrolles, à TV Gros Wall Street, au SDC San Antonio, Chambéry, au Rhein-Neckar-Löwen, capitaine de l'équipe de France de handball, médaillé de bronze au JO de Barcelone en 92 et double champion du monde en 95 et 2001, élu meilleur joueur du monde en 95. Et il a connu ses premiers matchs d'entraîneur en 2015 et ce jusqu'en 2018 avec l'équipe de Dijon. Et depuis 2017, il est le sélectionneur de l'équipe du Gabon. 1973, naissance de Claudia Tagbo, comédienne humoriste franco-ivoirienne, vue dans Les Seigneurs, Amour sur place ou à emporter, Le crocodile du Botswanga, C'est quoi cette famille dans le rôle de Babette, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans la suite C'est quoi cette mamie, sortie prévue au mois d'août. Vue également dans La ch'tite famille, Qu'est-ce qu'on a encore fait, Oh bon Dieu, la série télé RIS Police scientifique dans le rôle de Martine Forêt, Camping Paradis, Nos chers voisins fêtent la nouvelle année ou encore Clem. 1974, naissance d'Olivier de Benoît, humoriste français découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire, vu dans la série Carmen et Candice Renoir. 1977, naissance de Sullivan Stapleton, acteur australien, vu dans 300, la naissance d'un empire dans le rôle de Thémistocle, et la série télé Blind Spot dans le rôle de Kurt Weller. 1982, naissance de Lawrence Saint-Victor, acteur américain, connu pour son rôle de Rémi Boudreau dans la série Haine et Passion et son rôle de Carter Walton dans Amour, Gloire et Beauté. 1983, naissance de Louis Garrel, acteur français, vu dans Les Amants réguliers dans le rôle de François Derviaux, récompensé par le César du meilleur espoir masculin. Actrice dans le rôle d'Éric, La frontière de l'aube, Saint-Laurent dans le rôle de Jacques de Bachère. En décembre 2019, il sera à l'affiche du film Les 4 filles du docteur March dans le rôle de Friedrich Bauer. Et décembre également à l'affiche du film J'accuse de Roman Polanski dans le rôle d'Alfred Dreyfus. 1989, naissance de Lucy Hall, actrice américaine, vue dans 4 filles et un jean 2, Scream 4, la série télé How I Met Your Mother, est connue pour son rôle d'Aria Montgomery dans la série télé Pretty Little Liars. 1992, naissance de Daryl Sabara, acteur américain, connu pour son rôle de Johnny Cortez dans Spy Kids 1, 2, 3 et 4 et son rôle de Tim Scottson dans la série télé Weeds. En 1969, décédé Winoni Harris, chanteur américain. Et en 2016, décédée Anne Morgan Gilbert, actrice américaine, connue pour son rôle de Yetta Rosenberg dans la série télé Une nounou d'enfer. Allez, tout de suite, on s'écoute Culture Club avec leur titre « Do you really want to hurt me ?» Oh,

Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre événement? Bah, écoutez, voilà, le festival entame donc sa 16e année. Hein, ça fait 16 ans qu'il est sur le territoire. Donc, il a commencé essentiellement au départ sur les abbayes de moyen métier Sedan d'Étival. Maintenant, ça s'est étendu quand même assez largement. D'accord. Donc, les concerts vont concerner Saint-Dié en particulier, même des lieux comme Autrey, comme la Syrie de la Halière. Et donc, voilà, vous avez des concerts de tout type avec des formats d'édition de petite dimension, 3-4 musiciens, chanteurs, et puis des grandes formations de 40, 50 ou 60 chanteurs et musiciens. D'accord. Et donc, ce sont des ensembles qui viennent de l'Europe entière, voire du monde. Donc, voilà, c'est un festival international de musique. D'accord. Et donc, vous organisez, si j'en crois mes notes, 11 soirées-concerts différentes. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ces 11 soirées donc, sont réparties quasiment tous les week-ends de juillet et d'août. D'accord. Et puis, donc, ce sont des concerts qui commencent à 20h30 en général, sauf un en août qui commence à 17h, un dimanche, qui est quand même relativement rare. Mais autrement, ce sont des concerts donc, qui permettent effectivement d'animer un petit peu les soirées d'été, donc ce qui n'est pas désagréable. D'accord. Et donc, il y aura plusieurs thèmes dans les chansons ou pas? Alors, il y a une thématique générale du festival qui est très liée au patrimoine, qui s'appelle l'esprit des lieux. D'accord. Et si vous voulez, les ensembles qui viennent sont plutôt préoccupés ou disons s'occupent plutôt de musique dite ancienne, hein, que ce soit des musiques de la Renaissance, de l'époque du Moyen-Âge, mais aussi des choses plus contemporaines, hein, avec du jazz, avec des œuvres du 19e siècle, du 20e siècle. Si vous voulez, c'est une façon de découvrir, une curiosité, d'aller entendre dans des lieux aussi magistraux des ensembles, des formations prestigieuses, hein, qui viennent, je vous le disais tout à l'heure, de l'Europe entière. Donc voilà, c'est une occasion unique, hein, de pouvoir découvrir des choses telles qu'on ne les voit pas habituellement. D'accord, et donc tous les concerts auront lieu dans 5 abbayes, dans l'enceinte des abbayes, c'est bien ça? Alors, dans l'enceinte des abbayes, je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un concert qui se déroule depuis 5 ans maintenant, à la Syrie de la Halière, je ne sais pas si vous voyez où c'est dans la vallée de Selle. Non, personne. Donc, c'est une petite Syrie où il y a pas plus de 120 places, et souvent, un artiste se produit. Alors, cette année, c'est quelqu'un avec un théorbe, donc qui est une espèce de guitare ancienne. Mais à Saint-Dié, à la cathédrale, vous avez des gros ensembles, à Moyen-Moutier, ou à Étival, et puis aussi également, je vous disais tout à l'heure, à Autrey. D'accord. Et pour aller donc assister à ces concerts, il y a un tarif ou c'est gratuit? Non, ce sont des concerts qui sont payants. Alors, il y a des places pour les gens justement qui ne connaissent pas ou qui veulent simplement entendre, découvrir. Il y a des places à 5 euros, hein, donc ce qui est quand même tout à fait accessible. Et puis, autrement, il y a des places à 28 euros, à 19, 20 euros, ça dépend. Hein, il y a des placements différents selon l'endroit où on se trouve, donc dans la cathédrale ou dans les abbayes. Et donc, on est entre 5 et 28 euros. Et puis, il y a des tarifs dégressifs pour les gens qui prennent plusieurs concerts. Et donc, c'est des conditions habituelles aussi pour les gens, que les chômeurs ou les enfants, hein, ou les adultes ou les jeunes. Hein. D'accord. Et il n'y a pas de limite d'âge, c'est pas à partir de 7 ans ou voilà, donc tous les âges peuvent y être. Ah, tout à fait. C'est de la musique que... Alors, c'est vrai que c'est souvent des chants ou de la musique qui n'est plus une musique qu'on entend couramment sur les radios habituelles, hein, ça c'est sûr. Hein. Ce sont des choses qui datent du 13e, du 15e, du 16e, du 18e siècle, mais il y a des choses d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour venir entendre ça. Je pense que même plus on est enfant, moins on a d'a priori, on ne fait plus qu'écouter la musique. Donc c'est pas un problème d'âge. Alors, bien entendu, un bébé, ça peut être embêtant parce qu'il peut pleurer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas une musique augmentée, c'est une musique acoustiquement et chantée qui n'utilise pas de micro ni rien du tout. Hein. On est vraiment dans la voix, la pure voix. D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie. Voilà. Pour votre annonce. Et puis, bah, donc j'invite tous les auditeurs à venir le plus nombreux possible. Voilà. Parce donc, que... s'ils veulent, il y a un site internet s'ils veulent savoir un petit peu ce qu'il en est. Mm-hmm. Alors, bien entendu, il y a des plaquettes qui sont distribuées dans les offices de tourisme un petit peu partout. Et il y a un site internet qui s'appelle www.festivaldesabbayeslorraine.com. Et là, vous avez tout le détail des choses, les tarifs, les lieux, voilà, et les horaires, enfin tout ce qu'il faut. D'accord, eh bien, je vous remercie une nouvelle fois, et puis on viendra le plus nombreux possible. J'espère, ça sera gentil. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et on va terminer avec une pause musicale. Winnie Harris et le titre Good Rockin' Tonight. De se dire au revoir, mais avant de se quitter, eh bien, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. 13h30, la rediffusion des secrets de Mathilde. À 14h, vous retrouverez en direct la bulle de l'IA consacrée à Smoka. À 15h, ce sera Jazz Time. À 16h, exceptionnellement, c'est J'ai aimé, je vous le lis en rediffusion avec Dominique. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente journée et un très très bon week-end. Ciao, bye bye.